Donc nous continuons la lecture des paroles de l'imam Malik rahimahullah dans le sujet de la sunnah, la croyance et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous étions arrivés à qala rahimahullah wa man arada an-najata fa alayhi bi kitabillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque veut Najat, ça veut dire le fait d'être sauvé. Quiconque veut être sauvé, fa'alayhi, c'est-à-dire il doit se tourner vers ou il doit suivre le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullah, wa sunnatu safinatu nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Il dit également, donc la sunna est l'arche de Nuh. Quiconque monte dedans, naja, sera sauvé. وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا et celui qui refuse de monter dedans, غَارِق, il sera noyé. Donc il a comparé en fait le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au fait de monter dans l'arche de Nuh. Et ici il y a un point à soulever, c'est que le fils de Nuh, donc on sait que dans le Coran il a refusé de monter dans le bateau de Nuh, et qu'est-ce qu'il a dit à son père? Voilà, il a dit, je monterai vers une montagne. Il a Jabalin yasimuni min al-ma. Je vais monter dans une montagne qui va me protéger de l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre le prophète qu'Allah a envoyé, lui, il a suivi sa logique, indépendamment du prophète qu'Allah a envoyé. Il a suivi sa logique. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la logique, si tu montes sur une montagne, tu vas être sauvé de l'eau. Mais donc, la logique, parfois, quand elle est pas conforme à ce qui est dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même la logique elle va pas te sauver, elle va pas te faire réussir. Wa qala rahimahullah wa la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Il a dit également, ça c'est une des paroles bien connues de l'imam Malik, qu'on peut considérer comme une règle en fait. La yuslihu aslaha, ça veut dire améliorer ou bien assurer le bien de quelque chose. Donc en gros, akhira hadhihi al-umma, c'est-à-dire ne fera le bien des derniers membres de cette communauté que ce qui a fait le bien des premiers membres de cette communauté. C'est-à-dire que la communauté, elle ne peut pas trouver un nouveau médicament, une nouvelle solution, autre que la solution vers laquelle se sont tournés les sahaba et les tabi'in. Il n'y a pas de nouvelle chose qui va les faire réussir. Ce qui les fera réussir, c'est ce qui a fait réussir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux générations qui leur ont succédé, c'est-à-dire le fait de s'attacher à l'islam et de s'attacher à l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Wa qala rahimahullah wa law laqiya Allah azza wa jalla rajulun bi mil'il ardi dhunuban thumma laqiya Allah bis sunnah la kana fi al-jannati ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Celle-là, elle est étonnante, celle-là, lorsqu'il dit rahimahullah, si un homme rencontre Allah avec l'équivalent de la terre en péché, c'est-à-dire assez de péché pour remplir toute la terre, mais qu'il rencontre Allah bis-sunnah, c'est-à-dire l'islam auquel il croit, l'islam qu'il pratique, c'est l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'islam du début, la sunna. Donc bis sunna ici, ça ne veut pas dire avec un qamis, il va rencontrer Allah avec un qamis. Non, bis sunna dans le sens qu'on a expliqué la semaine passée, la sunna, ça veut dire la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a été épargné, il a été sauvé de ces choses de ces chemins qui sortent du chemin de base de l'islam originel, les Qadariya, Jahmiya, dont on avait parlé la fois passée. Donc s'il rencontre Allah ainsi, il dit, il sera au paradis avec les prophètes, les véridiques, les vertueux et les martyrs. Comme c'est écrit dans la sourate An-Nisa. Donc d'où est-ce qu'il a tiré ça, l'imam Malik? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, et il a cité, Allah a dit, les prophètes, les véridiques, les shuhada, les martyrs, والصالحين, les vertueux, وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, et ceux-là sont un bon rafiq, c'est-à-dire sont une bonne compagnie. C'est la meilleure compagnie que la personne puisse rejoindre. Donc c'est comme si l'imam Malik, en vérité, le verset, qu'est-ce qu'il dit ? مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, l'imam Malik, il dit مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِالسُنَّةِ. Qu'est-ce qu'on en comprend ? C'est que la sunna, c'est طَاعَةُ اللَّهِ وَالرَّسُولَ, c'est obéir à Allah et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, celui qui est sur cela, qui est sur ce chemin, bien, si après il rencontre Allah avec un tas de péchés, à la fin il rejoindra ces gens-là. Est-ce que ça veut dire que forcément il ne passera pas par l'enfer ? Non. Mais en tout cas, il finira au paradis. Pourquoi ? C'est parce qu'il était sur l'islam authentique, sur l'islam sûr, sur l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas forcément puni ou châtié pour ses péchés. Mais en tout cas, malgré tous les péchés qu'il puisse faire, tant qu'il est sur As-Sunnah, et le fait d'être sur la Sunnah, ça sous-entend qu'il ne commet pas de shirk aussi, forcément. C'est qu'il adore, il adore Allah, il est sincère envers Allah, il voue un culte exclusif à Allah. Celui-là, de toute façon, sa destination sera au paradis. Et après, on va en voir une de l'imam Malik dans ce sens qui est encore plus, entre guillemets, choquante. وقال رحمه الله وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإننا ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته أرى هذا لا يتم يعني لا ينتهي. Ici, il dit, rahimahullah, le messager d'Allah, Qubida, c'est-à-dire est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, alors que cette chose, hadha al-amr, al-amr en arabe, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une affaire, une question, une chose dont on parle. Et souvent dans les hadiths ou dans les paroles des anciens, la religion est appelée hadha al-amr, cette chose, sous-entendu, la religion. Comme dans le hadith, man ahdatha fi amrina, celui qui invente dans notre Amr, l'amr ici dans notre affaire. C'est quoi l'affaire, entre guillemets ? L'affaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose pour laquelle il a été envoyé, c'est-à-dire la religion, al-din. Donc il a dit, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, tam hadha al-amr wa istakmal. Cette chose, c'est-à-dire la religion, était déjà tam. Tamma, c'est-à-dire que c'est comme si on parle d'une plante, elle pousse, et au bout d'un moment, quand elle atteint son paroxysme, on dit tamma, ou un être humain, quand il atteint sa croissance finale, on dit tamma. Donc il a dit la religion tamma, c'est-à-dire elle est atteint son maximum, elle était complète. Wa stakmala. Istakmal, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il est devenu kamil. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a laissé aucun manque, c'est ça que ça signifie. La religion, elle était complète dans tous ses aspects, que ce soit du point de vue de la croyance, du point de vue de la pratique, du point de vue du comportement, tout a été descendu, tout a été révélé par Allah, il manquait rien du tout. Donc il dit fa innama yanbari an nattabi'a athar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc il faut simplement suivre yanbari, c'est-à-dire il faut suivre les athar. Qu'est-ce qu'on entend par les athar? C'est les traces. Mais dans les paroles des anciens, souvent les athar, ça veut dire aussi les hadiths. C'est un synonyme de hadith. C'est-à-dire les traces ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa la yutba'u ar-ray, et ne pas suivre ar-ray. Ar-ray, c'est la réflexion, l'opinion. En fait, c'est comme s'il mettait en opposition ici la sunna, le hadith et ar-ray. Est-ce que ça veut dire que ar-ray à 100% dans l'islam, il est banni, il est blâmable? Non. Mais on parle ici de ar-ray quand il contredit la sunna, quand il contredit l'islam, ou alors quand on en fait une référence indépendamment de l'islam. Comme si quelqu'un, par exemple, il veut disserter et il dit voilà, comment on croit en Allah. La logique, c'est Nattabi'u, l'imam Malik dit Nattabi'u athara rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On regarde ce qui nous vient du prophète. Ce qui nous vient du prophète, c'est le Coran qu'il nous a transmis et ses hadiths. Et ensuite, lui-même, il nous a dit de suivre ses compagnons. Donc on va regarder ça. Donc si quelqu'un, il se dit non, ça, c'est une référence secondaire, c'est après. Premièrement, on suit Ar-Ra'y, c'est-à-dire je vais réfléchir ce que ma tête elle va me dire, c'est ça que je vais suivre. Si ça contredit le Coran et les hadiths, ben, j'essaierai de les assembler. Sinon, ben, je vais pas suivre le Coran et les hadiths, je vais suivre Ar-Ra'y. C'est là qu'il ne faut pas suivre Ar-Ra'y. Sinon, est-ce que Ar-Ra'y, c'est-à-dire l'opinion, elle est entièrement blâmée, absolument blâmée dans l'islam? Non, pas du tout. Sinon, comment on interprétait le Coran s'il n'y avait pas Ar-Ra'y? Comment on interpréterait les hadiths? Comment l'imam Malik il aurait déduit tout ce qu'il a déduit des hadiths, si ce n'est avec ce qu'on appelle Ar-Ra'y? Mais est-ce que c'est un Ra'y comme ça, complètement libre, entre guillemets? Non, c'est un Ra'y qui est soumis à des règles. Par exemple, vous avez déjà entendu parler de tafsir ou bi Ar-Ra'y. Quand on parle du tafsir, souvent on parle de tafsir ou bi Ma'thur ou tafsir ou bi Ar-Ra'y. Le tafsir par ce qui est rapporté et le tafsir par Ar-Ra'y. Et en fait, si on entend par là le tafsir de ce qui est rapporté, c'est-à-dire interpréter le Coran selon les hadiths, mais en vérité, il y a très peu de hadiths qui interprètent directement des versets du Coran. Donc, nous, on le tire la plupart de l'interprétation du Coran de ce qui est rapporté de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ali, et ensuite les Tabi'in Mujahid, Qatada, etc. Maintenant, eux, quand on analyse leurs paroles sur le Coran, comment ils interprétaient le Coran? Est-ce que toutes les paroles par lesquelles ils ont interprété le Coran, elles viennent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Donc comment ils l'ont interprété? Ils l'ont interprété parce que le Coran il est en arabe et l'arabe c'est leur langue. Ils l'ont interprété aussi parce qu'ils connaissaient la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les circonstances dans lesquelles les sourates elles étaient révélées, les versets elles étaient révélés, quel verset a précédé l'autre ou a succédé à l'autre, de qui le verset il parlait, etc. Mais le verset, c'est-à-dire si c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit le verset il veut dire ça. Et qu'avec tout ce que je viens de vous dire, ils ont déduit le verset. Donc ils ont suivi quoi pour déduire le verset? Ar-Ra'y, l'opinion. C'est pour ça qu'on peut trouver parfois, c'est très rare, mais ça existe, des divergences d'opinion sur un verset entre Abdullah ibn Abbas et, par exemple, Ali. C'est un exemple. Ou Abdullah ibn Mas'ud. Ça prouve qu'ils suivaient leur Ar-Ra'y. Mais leur Ar-Ra'y, est-ce que ça veut dire qu'ils vont dire, par exemple, Maraj al-Bahrayn yaltaqiyan? Allah dit donc. Maraj al-Bahrayn yaltaqiyan. Allah a fait que les deux mers se rencontrent. Si quelqu'un il vient et il me dit, bah, je suis mon Ra'y, al-Bahrayn qui se rencontre, ça veut dire Fatima et Ali. Yukhraju minhuma al-lu'lu' wal-marjan. Et de ces deux mers sort la perle et le corail, Hassan et Hussein. C'est maqboul ça, c'est accepté? Bah répondez. Bah non, c'est n'importe quoi. Il faut une preuve pour dire que les deux mères, ça veut dire Ali et Fatima. Sinon, les deux mères, c'est quoi? Les deux mères, c'est les deux mères. C'est l'eau salée et l'eau douce. Et l'oulou al-marjan, c'est ce qui est connu. C'est les pierres précieuses qu'on sort de l'eau. Pour dire que c'est Ali et Fatima, il faut une preuve. Donc là, Ar-Ra'y, il ne peut pas déduire des choses comme ça. Celui qui suit son Ar-Ra'y pour déduire des choses comme ça, là, il a vraiment dit n'importe quoi. C'est les chiffres qui disent plus que ça. Oui, bien sûr, ouais, ça c'est ce qu'on appelle le tafsir ou le batini. Ça existe des livres de tafsir batini. Les batiniyas, les chiites, ils font tafsir comme ça. Tout ce qu'on peut faire dire aux mots, on leur fait dire, tant que ça nous arrange. Donc, il y a Ar-Ra'y et Ar-Ra'y. Il y a ce qu'on appelle Ar-Ra'y ul-Madhmoum, le Ra'y, l'opinion qui est blâmée. C'est celle dont je vais te donner l'exemple. C'est du grand n'importe quoi. Et puis il y a Ar-Ra'yul Mahmoud. Il y a l'opinion qui est louable. L'opinion qui est louable, c'est quand Abdullah ibn Abbas, il explique un verset. Il n'a pas forcément tiré son tafsir de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que Abdullah ibn Abbas, il va s'amuser à faire dire n'importe quoi au verset? Non, il se base sur quoi? Il connaît tous les poèmes arabes. Donc toute la langue arabe, il la connaît. Tel mot, qu'est-ce qu'il veut dire, comment les arabes l'emploient? Il connaît toute la poésie de la Jahiliya, donc il peut. Il a vu la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a connu ses grands compagnons. Il connaît ses hadiths. Donc avec tout ça c'est des outils avec lesquels il va réfléchir pour tirer un tafsir. Donc à la fin, ça reste du Ra'y. Mais du Ra'y basé sur quoi? Sur des outils, sur des règles, sur une méthodologie. Donc c'est pareil pour l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed. Quand on lit leur fiqh, il y a plein de Ra'y en vérité dedans. C'est pas que du Coran. Il y a des hadiths, il y a beaucoup de raï, il y a beaucoup d'opinions, de réflexions. Mais c'est une réflexion qui est basée sur des qawaïd, sur des règles et sur une méthodologie. Donc, al-ray, il peut être louable et il peut être blâmable. Donc là, l'imam Malik, il fait, quand il dit, il faut suivre les athars et ne pas suivre al-ray. Donc on en comprend qu'il fait une opposition. C'est-à-dire ne pas suivre le ray qui s'oppose aux athars. Par contre, le ray qui explique les athars, ben ça, forcément, on en a besoin. Et c'est ce que l'imam Malik lui-même, il faisait. L'imam Malik lui-même, il le faisait. Quel exemple on peut donner de hadith que l'imam Malik, il interprétait. Je vous donne un exemple. Le hadith qui dit « Ida walar al-kalbu fi ina'i ahadikum falyarsilhu sab'an ou lahun nabit-turab » Quand le chien, il boit dans le récipient de quelqu'un, il faut le laver 7 fois. La première fois avec de la terre. Donc le chien, il est pur ou il est najis? La salive. Non, il est pur. Comme ça, il est najis. Si le prophète il nous dit qu'il faut le laver, en plus 7 fois, l'imam Malik il dit non, il n'est pas najis. Il est tahir, le chien. D'ailleurs, ça va vous étonner, ça. Parce que sa salive, non? Même sa salive, elle est tahir. L'imam Malik il dit pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah nous dit qu'on peut chasser avec les chiens. Et donc, et le chien, quand il va chasser, il va saisir la bête avec sa bouche et il va planter ses dents dedans. Pourtant, Allah ne nous a pas dit, une fois qu'il a chassé la bête, il faut laver l'intérieur, par exemple, la chair, tout ça, dans laquelle il y a eu les dents et la salive du chien. Si c'était najis, il nous aurait dit de le laver. Donc, il n'est pas najis. Parce qu'on ne peut pas soumettre le Coran à un hadith. C'est le hadith qu'on va soumettre au Coran. Le Coran, lui, il est clair. Et donc le hadith, lui, on peut l'interpréter. Donc on va l'interpréter comment? Ben, l'imam Malik, il dit, quand on observe toutes les najasset, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il nous a dit de nous en débarrasser? En les lavant. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. En les lavant, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Donc si là, il nous dit 7 fois, et en plus avec de la terre, c'est que ce n'est pas une najasa. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Et donc ça, c'est un ray ou c'est pas un ray? Bah, c'est un ray, c'est une façon d'interpréter. L'imam Ahmed, lui, dit, bah non, s'il nous a dit de laver 7 fois, c'est que c'est une najasa et une grosse najasa même. Voilà. Ça, c'est le ray. Le hadith, c'est le même. Mais comment on va l'interpréter? Et bien, ça, c'est comme ça que c'est ça, le ray. Et parfois, bah, ils peuvent soumettre des hadiths à leur ray, à leur opinion, mais c'est toujours selon une méthodologie. C'est pas comme ça, bilhava, c'est selon une méthodologie. Bon, j'aurais pu, il y avait des exemples mieux que ça, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Alors il dit, si on suit un rail, à chaque fois qu'il y a un homme qui est plus fort dans le rail, c'est-à-dire plus intelligent, on va le suivre. C'est-à-dire si vraiment notre religion, elle consiste à suivre celui qui parle le mieux et qui pense le mieux. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui pense mieux qu'un autre, tu vas le suivre. Il dit, puis quand quelqu'un il viendra, il est plus fort que toi encore, tu vas le suivre. Et il dit, arahada la yatin. Il dit, je considère que ça, enfin, je suis d'avis que ça va jamais se terminer. La religion, elle va jamais, tu vas savoir, jamais savoir ce que c'est ta religion si tu suis le rail. Donc il faut suivre l'athar. L'athar, c'est-à-dire ce qui vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. Et la voie, elle a été tracée, elle est claire. Là, t'as pas besoin de réfléchir. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud, il disait, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et n'inventez pas faqad kufitum. Kufitum, c'est comme ça voulait dire. Le travail a été fait pour vous. Ce n'est pas à vous de débattre est-ce que le paradis c'est vrai ou est-ce que c'est une métaphore. Est-ce qu'Allah il est partout ou est-ce qu'il est au-dessus des 7 cieux. Ça, tu n'as pas besoin de débattre, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tout ça, ça a été tracé, ça a été déterminé depuis le début. Donc tu apprends et tu suis, tout simplement. Wa qala rahimahullah. Wa man khalafa as-sunnata fa inni akhsha alayhi al-fitna wa ayyu fitnatin a'zamu من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ici il dit, et cette parole elle est rapportée également de l'imam Ahmed رحمه الله. Il dit من خالف السنة. خالف, c'est-à-dire qui contredit, qui s'oppose à la sunna. Donc ici, ce n'est pas la sunna, encore une fois, je répète, qui veut dire les choses qui ne sont pas obligées. Non, la sunna dans le sens ici, la religion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit man khalafa sunnah, celui qui contredit la sunnah. C'est-à-dire qu'un hadith il te dit blanc et toi tu dis noir. Un hadith il te dit une chose, tu dis non, c'est pas possible. Sachant que on sait que le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça khalafa sunnah. Khalafa sunnah, ça veut pas dire que des choses par exemple qui sont dans des hadiths et qui sont recommandées mais elles sont pas obligatoires, tu vas pas les faire. Non, on dit pas de toi khalafta sunnah, t'as contredit la sunnah. Non, parce que c'est des choses qui sont simplement recommandées. Khalafa sunnah, c'est vraiment s'opposer, contredire la voix ou les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa inni akhsha alayhi al-fitna. Il dit celui-là, je crains pour lui al-fitna. La fitna, c'est-à-dire l'égarement, la déviance, être éprouvé dans sa religion. Il dit wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka subiqta ila fadila. Donc il dit et quelle pire fitna que le fait que tu considères que tu es le premier à avoir fait une fadila, c'est-à-dire quelque chose de bien, qasara anha rasulullah, à laquelle le prophète n'était pas arrivé, ou que le prophète a manqué de faire, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça, c'est la pire des fitnas dans ta religion. Si tu arrives à penser ça, c'est-à-dire que tu as une thèse dans la religion dont le prophète n'a jamais parlé, ses compagnons n'ont pas parlé, les imams n'ont pas parlé. Toi, tu as une thèse sur la, dans le domaine de la théologie. Et donc, tu considères que soit ton cheikh ou ton groupe, ou bien toi, tu es arrivé à ça et ceux d'avant n'y étaient pas arrivés. Parce qu'en vérité, c'est ça que ça veut dire. Si tu dis quelque chose de nouveau, qu'est-ce que ça sous-entend ? Bah que toi, tu as ramené un bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, a manqué de nous dire ou nous ne savait pas. Ou ça peut être aussi dans la pratique. Tu fais une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc en vérité, c'est comme si tu disais, moi je suis le premier à l'avoir fait. Et lui, il a manqué de la faire. Il dit, bah, quelle fitna pire que ça? Quel égarement pire que ça? Si quelqu'un il arrive à penser ça, il n'y a pas pire dans sa religion. Et ensuite, il a cité le verset d'où il a retiré ça. Faliyahfar, c'est-à-dire ceux qui yukhalifun, donc le verbe khalafa. Ceux qui divergent de son ordre, donc l'ordre ici, c'est-à-dire sa religion de façon générale, qu'ils craignent que ne les touche une fitna. Donc c'est Allah qui a menacé celui qui diverge du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le toucher d'une fitna, ou que ne les touche un châtiment douloureux. Donc ça veut pas dire aussi, encore une fois, parfois quand on lit dans le fiqh des imams comme Abu Hanifa, Malik ou d'autres, parfois on peut voir qu'ils contredisent un hadith. Donc comment l'imam lui-même, c'est lui qui nous a dit man khalafa sunnah, et lui il ne prend pas un hadith. Par exemple, l'imam Malik, bon, je vous l'ai déjà expliqué maintes fois, mais c'est pas grave. L'imam Malik, dans le Muwatta, il a cité plus de 20 hadiths, il les met dans le Muwatta et il dit le contraire. Exemple, le hadith qui dit Al-bayi'anu bil-khiyar ma lam yatafarraqa. C'est-à-dire deux personnes, quand ils font Al-bay', soit un troc ou un achat, bil-khiyar, ils ont le choix de. Ils ont un droit de rétractation. Ma lam yatafarraqa, tant qu'ils ne se sont pas séparés. De quoi il parle ce hadith? Il parle de khiyar ou majlis. Le droit de rétractation du majlis. Majlis, ça veut dire tant qu'on est ensemble. Ça veut dire que si je te vends mon livre et tu me donnes 20 euros, tant qu'on est ensemble, je peux te dire dans 10 minutes, non tiens, rends-moi mon livre et je te rends tes 20 euros. Et tu n'as pas le droit de refuser. L'imam Malik, il disait ça n'existe pas. Khiyar ou majlis, ça n'existe pas. Les trois autres imams et autres, ils disent oui, ils ont pris le hadith et ils le disent. L'imam Malik, il dit non, ça n'existe pas. Comment? Comment ça n'existe pas? Le hadith, il est sahih. Il le met dans le muwatta et il te dit non, moi je dis le contraire. Eh bien, en fait, c'est parce que l'imam Malik, c'est toujours une question de méthodologie. C'est pas par désir ou par plaisir de rejeter un hadith. En fait, il n'a pas rejeté le hadith. Simplement, c'est que selon sa méthodologie à lui, son fiqh à lui, son code à lui, ce hadith-là, il ne passe pas le filtre. Parce que les hadiths, il faut qu'ils passent des filtres. Déjà, il faut qu'ils soient authentiques. Il faut qu'ils ne soient pas mansour, abrogés, etc. Donc, et les savants, parfois, il y en a qui ont des filtres plus durs que d'autres. Ben, l'imam Malik, il avait un filtre qui était plus dur que les autres, qui est que pour qu'ils prennent un hadith en compte, il faut que ce hadith ne contredise pas ce qui était connu chez les sahaba et les tabi'in de Médine. Donc si lui, dans ce qu'il a appris, il a appris qu'à l'époque de Omar, de Abdullah ibn Omar, et ensuite de Saïd ibn Musayyib, ce qui était connu à Médine, c'est qu'il n'y a pas de khiyar ou de majlis, ben ça, il le met au-dessus du hadith. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'un hadith, peut-être qu'il est vrai, le prophète a vraiment dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, mais il est abrogé, ou il l'a dit pour un moment, pendant une période, une circonstance. Or, le fait que tout le monde à Médine fasse ça pendant deux générations, ça, tu ne peux pas l'interpréter autrement. C'est plus clair que le hadith. C'est-à-dire que le hadith, on peut supposer que celui qui l'a rapporté, il s'est trompé, etc. Alors que ça, tu ne peux rien supposer. S'ils ont tous dit ça, c'est que c'est comme ça. Ça, ça se discute. Les autres savants, ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais tout ça pour dire quoi? Est-ce qu'il a rejeté le hadith comme ça? Non. En fait, il a... c'est une question de méthodologie, c'est une question de règles. Donc ça ne doit pas vous étonner, entre guillemets. Et il ne faut pas se croire plus sunni que les imams de Ahl Sunna. Moi, quand il y a un hadith dans le Bukhari, non, quoi qu'ils aient pu dire, moi je le mets en pratique et tout. Tu ne vas pas le comprendre mieux que ces choses-là. Eux-mêmes, parfois, certains hadiths, ils ne les ont pas mis en pratique. Il y avait des raisons à ça. Ce n'était pas par plaisir, ce n'était pas par passion. C'est parce qu'ils ont, il n'y a pas que le hadith dans l'islam, il y a aussi le Coran, il y a le consensus, il y a des règles, il y a plein de choses. Donc là, on parle de celui qui rejette le hadith, qui est ni ambigu, ni abrogé, ni rien du tout, qui ne contredit pas la pratique des musulmans, etc., etc. Là, oui, là, on parle de khalafa as-sunnah. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا. Donc là, en fait, dans le livre, bon, ça se discute ce qu'il a fait. Il a rapporté l'imam Malik qui cite Omar ibn Abd al-Aziz. En vérité, cette parole, l'écrivain aurait dû la mettre dans Omar ibn Abd al-Aziz, pas dans l'imam Malik. Parce que l'imam Malik, là, il est juste rapporteur, il ne dit rien. Mais bon, on va la lire, cette parole, parce qu'elle est très intéressante. Omar ibn Abdelaziz, il dit, donc vous connaissez Omar ibn Abdelaziz, c'était un des califes omeyyades, et qui était considéré par plusieurs, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme le Mujaddid de son époque. Qu'est-ce que ça veut dire le Mujaddid? C'est en référence au hadith qui dit qu'Allah, à chaque siècle, il envoie un Mujaddid, quelqu'un qui fait revivre l'islam. Et l'imam Ahmed, il considérait que donc, le deuxième Mujaddid, le premier c'était Abu Bakr, et le deuxième c'est Omar ibn Abdelaziz. Pourquoi? Parce que Omar ibn Abdelaziz, donc il est devenu calife, c'était en l'an 99 de l'Hégire, et il est resté calife que 2 ans seulement. Mais en 2 ans, il a bouleversé tout ce qui était avant lui et qui n'était pas correct. Parce que les Omeyyades, donc ils avaient instauré pas mal de choses sans les légiférer, mais c'était plutôt des habitudes qu'ils avaient, comme par exemple le fait de prendre les biens des musulmans et puis en faire des salaires à tous leurs cousins, par exemple, pour grossir le truc. Hein. C'est-à-dire que là, en gros, la famille du calife, bah, il recevait des salaires sans rien faire. Ça, dans l'islam, ça n'existe pas. Et il y avait d'autres choses comme ça, dans lesquelles ils avaient dévié. Et Omar ibn Abdelaziz, donc lui, il a eu peur de personne, il a redressé tout ce qui n'allait pas. Donc, il aurait pu avoir peur de se faire assassiner, de mettre tout son clan à dos, mais il n'a pas eu peur. Et lui-même, c'était un alim, c'était un savant du fiqh et du hadith. Et il a redressé tout ce qui n'allait pas. Et il a fait énormément de bien. Et les musulmans, ils ont connu pendant les 2 ans de son califat une époque exceptionnelle, dans laquelle on ne pouvait pas trouver un pauvre pour faire une aumône, comme le prophète l'avait prévu dans les hadiths, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, Omar ibn Abdelaziz, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les gouverneurs après lui, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Al-Hassan ibn Ali, juste le temps où il avait pris le khalif Al-Khilafa, Muawiya, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Sanna, ça veut dire il a instauré sunanan, des sunan. Sunan, c'est le pluriel de sunna. C'est-à-dire qu'ils ont instauré des choses, des pratiques, des traditions, entre guillemets. Pourquoi il n'a pas dit simplement le messager d'Allah? Parce que quand on regarde, Omar aussi, il a instauré des choses. Othman, il a instauré des choses. Par exemple, si on regarde le deuxième Adhan du Jumu'ah, on en avait parlé la semaine passée de ça. Ouais. C'est Othman qui l'a instauré, c'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des choses qui ont pu être instaurées dans l'islam par les califs al-Khulafa al-Rashidin. Par exemple également, le chapitre dans le fiqh de Qital ou Ahl al-Bari. C'est-à-dire comment le groupe, dans un État islamique, s'il y a un groupe rebelle qui veut renverser le khilafa, sachant que le khilafa c'est le khilafa bihaq, hein, on parle dans le cas où on est face à un vrai chef d'État musulman, comment il doit réagir, comment les musulmans doivent réagir, s'ils se battent avec eux, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un butin, est-ce qu'il n'y a pas de butin. Et bien ça, la plupart du fiqh qui est rapporté de ça, c'est de Ali. Pourquoi c'est pas rapporté avant? Parce qu'Abou Bakr, Omar et Othman, ils n'ont pas eu à faire face à ça. Othman, il a eu à faire face, mais il a choisi, lui, de se laisser tuer, de ne pas faire couler le sang des musulmans. Alors que Ali, lui, il a connu la naissance des Khawarij, et il s'est battu contre eux. Donc la plupart du fiqh des musulmans, c'est ce qu'a fait Ali, en fait, dans ce sujet-là. Donc, c'est ça le sens que les Oulatul Amr, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont instauré des choses. Et également de certaines ijtihadat, certains de leurs efforts d'interprétation, de décision dans certains sujets, comme par exemple, bon, les sujets simples, c'est Uthman qui a instauré le deuxième adhan du Jumu'ah. Donc ça, Omar ibn Abdelaziz a appelé tout ça sunan. Ce que le prophète a instauré, sallallahu alayhi wa sallam, comme ce que les quatre califes ont instauré. Il dit Al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillah wa istikmalun li ta'atillah wa quwwatun 'ala dinillah. Il dit suivre ces sunan, ces traditions-là, c'est suivre le Coran. C'est compléter l'obéissance à Allah, c'est-à-dire que, en gros, suivre ces choses-là, c'est obéir à Allah. Et c'est une force dans la religion d'Allah. Wa quwwatun 'ala dinillah, c'est-à-dire que celui qui suit ces choses-là, il est fort, il est fermement attaché à la religion. Laysa li ahadin min al-khalqi taghyiruha wa la tabdiluha wa la nadharu fi shay'in khalafaha. Il dit personne parmi les créatures n'a le droit de les changer, de les remplacer ou de même un nadhar, c'est-à-dire même de réfléchir à quelque chose qui les contredit. Donc là, il est ferme. Omar ibn Abdelaziz, en gros, il te dit ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'ont fait les quatre califes qui lui ont succédé, tu suis et un point c'est tout. Il ne faut pas commencer à chercher à changer ça. Encore une fois, pourquoi? Parce que eh bien, la religion elle a été établie. Donc encore une fois, il faut toujours bien comprendre que l'islam, certes c'est des textes, c'est le Coran et les hadiths, mais tu ne vas pas toi venir au bout de 1400 ans et toi-même interpréter le Coran et les hadiths en disant quelque chose de nouveau. Ce Coran et ces hadiths, il y a des gens qui sont passés avant toi, ils les ont compris, ils les ont mis en pratique. Ça a déjà été fait. Donc toi, tu n'as plus qu'à suivre. Donc ce qu'ils ont instauré, ce qu'ils ont mis en pratique, ce qu'ils ont compris, ce que le prophète a mis en pratique et ses compagnons ont mis en pratique, c'est ça l'islam. Il ne faut rien en changer, rien. Et il ne faut pas chercher quelque chose qui contredit ça. Donc là, ça soulève plein de... Bien sûr, ce qu'il dit là, ça soulève plein de masa'il. La sunna, le hadith, le ijma'. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. Il dit celui, من اهتدى بها, c'est-à-dire celui qui les prend pour guide, qui suit ces choses-là, ces sunan, فهو مهتد, il est bien guidé. Celui qui recherche le secours d'Allah en suivant ces choses-là, il sera secouru. Et celui qui les délaisse aura suivi un autre chemin que celui des croyants. Allah le laissera à ceux vers quoi il s'est tourné, puis il le brûlera en enfer, et quelle mauvaise destination. C'est quoi cette phrase? C'est un verset de la Sourate An-Nisa. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Celui qui se sépare du messager après que la vérité lui fut parvenue, وَيَتَّبِعَ غَيَرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et suit un autre chemin que celui des croyants. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, c'est-à-dire nous le laisserons à ce qu'il a choisi. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, nous le brûlerons en enfer. وَسَأَتْ مَصِيرًا, et quelle mauvaise destination. Donc, on l'a répété plein de fois, et on le dit encore, avec la sunna, il faut considérer qu'est-ce qu'était la pratique des quatre califes et des compagnons qui, eux, ont mis en pratique et ont compris la sunna. Et ça s'appelle Sabil ou Mu'mini. Tu dois le suivre et tu ne dois pas t'en écarter. Wa qala rahimahullah wa taslimu li sunan wa la tu'aradu bi ra'i wa la tudafa'u bi qiyas. Ensuite, il dit dans une autre parole, on passe à une autre parole, il dit « وَالتَّسْلِيمُ لِلسُّنَنِ » C'est-à-dire, il faut « التَّسْلِيمُ » la soumission au « sunan ». « Sunan » pluriel de « sunna ». C'est-à-dire toutes les pratiques qui viennent et les paroles qui viennent du prophète. Donc « sunan » ici, tu peux le considérer comme un, plus ou moins comme un synonyme de « hadith ». En gros, il faut se soumettre au « hadith ». وَلَا تُعَارَضُ بِرَأْيٍ Et il ne faut pas les contredire par « الرَّأْي » par une opinion. Ici, sous-entendu par une opinion seule, c'est-à-dire qui n'est basée sur rien du tout. وَلَا تُدَافَعُ بِقِيَسٍ Et il ne faut pas les repousser par un qiyas. Qiyas, encore une fois, on peut traduire ça plus ou moins par la réflexion. Maintenant, ici, on s'arrête et on va expliquer un truc qui, en apparence, pour celui qui ne sait pas, serait en contradiction avec ce que l'imam Malik vient de dire. L'imam Malik lui-même, dans son madhhab, rahimahullah, il y a ce qu'on appelle taqdim ul qiyas ala al hadith. C'est-à-dire que le qiyas passe au-dessus du hadith. Donc, de quoi j'ai parlé qui passe au-dessus du hadith dans le madhhab d'Imam Malik déjà? Amalu ahli Medina, le fiqh des gens de Médine. Et un autre truc, c'est le qiyas. Mais ce n'est pas le qiyas dans le sens, le raisonnement analogique, qui est le quatrième dalil dans le fiqh. Le Qur'an, sunna, l'ijma', le consensus ou le qiyas. C'est-à-dire le fait de comparer des choses pour leur donner un jugement halal ou haram. C'est pas ce qiyas-là dont on parle ici. En fait, le qiyas ici dont on parle, ça s'appelle al-qawa'id. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'imam Malik, il a déduit du Qur'an et de la sunna, avec tout ce qu'il a appris des tabi'in, des grandes qawa'id, c'est-à-dire des grandes lignes et des grandes règles. Donc ces grandes règles, elles viennent pas du ra'y. Elles viennent du Coran et de la Sunna. Et bien sûr, en ayant fait marcher son esprit. Donc s'il y a un hadith qui vient contredire ces grandes règles, ben, il ne va pas le prendre tel quel, il va l'interpréter pour le plier aux grandes règles. Donc en apparence, tu pourrais dire, ben là, il a contredit le hadith avec le qiyas. Mais non, parce que là, on ne parle pas du qiyas qui veut dire simplement réfléchir. On parle des grandes lignes de la religion. Par exemple, dans les qawa'id de l'imam Malik, c'est que « kullu hayy tahir » tout être vivant est pur. Est-ce que c'est une règle? Il s'est levé un matin et il s'est dit « tiens, kullu hayy tahir » Non. C'est-à-dire que pour l'imam Malik, il considère que si tu lis le Coran du début jusqu'à la fin et tu lis les hadiths du début jusqu'à la fin, t'en retires une règle qui est que toute chose vivante est pure et que ce qui est mort, c'est impur. Le contraire. Donc si un hadith vient dire le contraire de ça, sortir de cette règle générale, la règle prépondérante, il va le plier à ça. Donc c'est un peu l'exemple du chien notamment. Il ne va pas dire qu'il est impur, il va dire qu'il est pur. Pour le hadith, on en comprend qu'il est impur. Oui, mais la règle, donc là c'est pas une règle dans le sens qu'il a inventé. C'est ce que les textes disent en majorité. Donc il va plier les hadiths, un hadith ou deux hadiths, il va les plier à assez grande ligne directive. Bon, ça c'est plus ou moins. Donc, la tudafa ou biqiyas, ça ne contredit pas en fait la méthodologie de l'imam Malik. Là, de quoi il parle? D'un hadith clair, d'un hadith authentique qui n'est pas abrogé, etc. Et toi, tu viens le contredire avec une réflexion qui n'est pas basée sur la lecture globale du Coran et de la Sunna. Wa ma ta'awwalahu minha as-salafu as-salihu ta'awwalna. Ta'awwala, ça veut dire interpréter. Pour interpréter, on peut dire awwala ou bien ta'awwala. Ou bien aussi fassara. Il dit en fait ce que les salaf salih, qu'est-ce qu'on entend par as-salaf as-salih? Salaf, ça veut dire les prédécesseurs, salih, vertueux. Donc quand l'imam Malik dit as-salaf as-salih, il veut dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba et les tabi'i. Il dit, donc dans les sunan, on parle toujours des sunan, ma ta'awwalahu minha. Minha, c'est-à-dire minas sunan. Ce que les anciens ont interprété dans la sunna, dans les sunan, on l'interprète. C'est-à-dire les choses où ils nous ont montré que là, on peut faire de l'interprétation, on peut faire de l'interprétation. Donc ça, c'est notamment dans quel domaine? Dans le domaine du fiqh. Dans le domaine du fiqh, la réflexion, elle a une porte ouverte à la réflexion. Donc il dit en gros que le ta'wil, l'interprétation, même dans notre interprétation, on suit ceux qui nous ont précédés. ce qu'ils ont interprété, on l'interprète. C'est-à-dire les domaines où ils ont mis de l'interprétation, on mettra de l'interprétation dedans. Et ça, c'est notamment le fiqh. Quand tu lis un peu le fiqh d'Imam Malik, tu vois qu'il y a beaucoup de ta'wil. Des fois, le hadith, en apparence, il dit un truc, puis lui, il te dit non, il veut dire l'autre truc. Mais encore une fois, c'est pas comme ça tombé du ciel. C'est avec des règles, etc. Mais il y a du ta'wil. Il y a de l'interprétation. Alors que si tu prends les noms et les attributs d'Allah, est-ce qu'il fait du ta'wil? Est-ce que l'imam Malik, par exemple, a dit Ar-Rahman ou Al-Arshistawa? Quand quelqu'un lui a dit Kaifastawa, comment Allah s'est élevé au-dessus du trône? Il lui a pas dit. Là, ça veut pas dire Stawa, ça veut dire autre chose. Est-ce qu'il a fait ça, l'imam Malik? Non. Il n'a pas mis le ta'wil dans ce qui parle d'Allah. Dans les noms et les attributs d'Allah, il n'a pas rentré le ta'wil. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont précédé n'ont pas rentré le ta'wil dans ça. Ils ont fait, comme on l'a lu dans la khutba, Amir Ruha Kama Ja'at, c'est-à-dire les versets qui parlent de ça, les hadiths qui parlent de ça, prenez-les tels quels, sans les interpréter. Donc c'est ça le sens de ce qu'ils en ont awwal, on le awwal, c'est-à-dire ce qu'ils en ont interprété, on l'interprète. C'est-à-dire là où on sait qu'il y a du ta'wil, on peut faire ta'wil, et les domaines où il n'y a pas de ta'wil, où c'est interdit, ben on ne fait pas de ta'wil. C'est comme dans le Qur'an. Dans le Qur'an, il y a le ta'wil, la porte du ta'wil, elle est ouverte, et bien on peut faire le ta'wil. Mais est-ce que c'est toi et moi qui faisons le ta'wil? Non, c'est celui qui a l'ahliya, qui a rempli les compétences nécessaires pour pouvoir faire le ta'wil. Et même lui, est-ce que ça veut dire que, bah, d'un coup, parce qu'il a un diplôme de ta'wil, entre guillemets, hein, donc il peut faire ce qu'il veut avec le Qur'an? Non. Justement, s'il a l'ahliya, c'est parce qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Ça va être basé sur des règles. Comme Abdullah ibn Abbas, il faisait le ta'wil. Ses élèves, Qatada, Ikrima, Mujahid, ils faisaient le ta'wil du Qur'an. Donc le ta'wil, c'est une porte qui est ouverte, mais pas pour n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'elle a des... C'est une porte qui a des fondements. Ensuite, il dit « وَمَا عَمِلُوا بِهِ عَمَّنَّاهُ » Il dit « Ce qu'ils ont mis en pratique des sunan, nous le mettons en pratique. » C'est encore une fois, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est que parfois, on peut trouver des hadiths même qui sont authentiques du point de vue de leur chaîne de transmission, mais on voit que ni les sahaba, ni les tabi'in, ni personne ne les a mis en pratique. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse de côté. C'est-à-dire le fait que toute la communauté ne l'ait pas mis en pratique, ça prouve qu'il y a une erreur quelque part dans ce hadith. « Wa ma tarakuhu taraknahu » Voilà, et c'est là qu'il dit « Est-ce qu'ils en ont délaissé? Nous le délaissons. » Là, il parle toujours des sunan. Donc, de premier abord, ça peut être choquant de lire des sunan qu'ils ont délaissés. Pourquoi ils ont délaissé des sunan? Oui, parfois il y a des hadiths qu'ils ont délaissés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient abrogés. Ou parce qu'ils savaient que ce hadith, en fait, c'est le hadith qu'on avait inventé sur le goût du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres raisons. Donc, s'il y a un hadith qu'ils ont abandonné, ben, nous aussi, on va l'abandonner. C'est pour ça que l'imam Tirmidhi, rahimahullah, dans son livre, il ramène des hadiths, quelques hadiths, et il dit à la fin qu'il n'y a pas d'amal. C'est-à-dire ces hadiths, ils ont été délaissés, ils n'ont pas été mis en pratique. وَيَسَعُنَا أَنْ نُمْسِكَ عَمَّا أَمْسَكُوا. Il dit يَسَعُنَا. Ça veut dire quoi ici? وَسِعَا. C'est-à-dire ça nous suffit et on a assez de largesse à faire. Et là, il a dit à faire quoi? أَنْ نُمْسِكَ عَمَّا أَمْسَكُوا. De nous taire sur ce sur quoi ils se sont tus. C'est-à-dire si as-salafus salih, il y a un domaine sur lequel ils n'ont pas disserté, ils ne sont pas rentrés dedans en profondeur, il dit alors nous, ça nous va de nous taire aussi. En fait, là où ils se sont tus, on se tait. Et c'est pour ça qu'il blâmait, en fait, à quoi il fait allusion. C'est qu'à son époque naissaient les courants influencés par la philosophie grecque, qui entraient dans des domaines de la théologie sur lesquels les sahaba n'ont jamais parlé, les tabi'in n'ont jamais parlé. Donc lui, il voulait dire aux gens, on n'a pas entré dans ces choses-là. وَنَتَّبِعُهُمْ فِي مَا بَيَّنُوا. Donc il dit, nous les suivons dans ce qu'ils ont montré. وَنَقْتَدِي بِهِمْ فِي مَا اسْتَنْبَطُوهُ وَرَأَوْهُ فِي الْحَوَادِثِ. Il dit, et nous les prenons comme modèle, فِي مَا اسْتَنْبَطُوهُ. Dans ce qu'ils ont, stanbata, c'est interpréter, comprendre, retirer d'un texte. Wara'ahu, donc ra'au, ça vient de ar-ray. Et dans la vie qui était le leur, fil hawadith, Hawadith, c'est le pluriel de hadithatun. Ça veut dire quoi ici, le hawadith? Les événements ou les choses nouvelles. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire l'imam Malik? Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est passé des choses, il y a pu avoir des événements ou des choses nouvelles. Eh bien, il y avait des savants qui étaient vivants à ce moment-là. Eh bien, et ils ont dit des choses sur ça. Ils se sont prononcés. Eh bien, ce qu'ils ont prononcé, leur verdict, ben, nous on le suit. Leur avis sur ce sujet, l'avis de Omar sur ce qui s'est passé à son époque, l'avis d'Ali sur ce qui s'est passé à son époque, etc., ben, on le suit. Parce que parfois, il peut y avoir des choses qui étaient nouvelles. Tu ne vas pas en lire la solution dans le Coran ou dans la Sunna. Eh bien, on suit l'avis prononcé par les pieux prédécesseurs sur ces sujets. Voilà nakhruju an jama'atihim fi martalafu fihi aw fi ta'wilihi. En fait, chaque phrase ici, elle est, ouais, c'est des grosses règles hein, qu'il dit ici, l'imam Malik, il dit voilà nakhruju, et nous ne sortons pas an jama'atihim, de leur groupe, fi martalafu fihi, au sujet de ce sur quoi ils ont divergé. Ça soulève une question dans le usul qui est en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que as-salafus salih, mes pieux prédécesseurs, quand ils ont divergé sur un sujet, et que par exemple, en leur sein, tu trouves trois avis, ben, tu n'as pas le droit d'en ramener un quatrième. C'est ça qu'il veut dire ici. C'est-à-dire, quand ils ont divergé, on ne sort pas de leur groupe. C'est-à-dire, même si on va prendre l'avis de l'un ou de l'autre, mais on n'en invente pas un troisième. Comme par exemple, j'ai un exemple simple, est-ce que le verset du Coran, Aula amastumun nisa. Comme quoi, si vous touchez les femmes, il faut refaire des ablutions. Donc, Abdullah ibn Mas'ud et Ali disaient, ça veut dire toucher. Abdullah ibn Abbas, ça veut dire, c'est une kinaya, c'est une image, ça veut dire al-jima. Ben voilà, on dit soit le verset dit ça, soit il dit ça, mais en tout cas, il ne dit pas autre chose. Donc là, il y a un khilaf entre eux. Donc le khilaf, on le laisse et on n'en sort pas. En fait, c'est comme quand ils sont unanimes, on ne sort pas de leur unanimité, mais même de leur khilaf, on ne sort pas. C'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça que certains savants, ils disaient, quand les sahabas divergent sur un sujet, prends ce qui te convient. Et devant Allah, tu t'en sors. Parce que, alhamdoulilah, si eux-mêmes, ils ont divergé, bon, bah, c'est tout. Mais ne sors pas de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son madhhab, par exemple, on voit beaucoup d'avis différents de lui-même. Un de ses élèves, il rapporte que l'imam Ahmed a dit blanc. L'autre, il dit, il l'a dit noir. L'autre, il dit, il a dit bleu. Et on observe que, c'est-à-dire que dans sa vie, l'imam Ahmed, il pouvait changer d'avis sur des sujets. Mais à chaque fois, on observe que, quand il dit blanc, ben, il y a un sahabi qui avait dit blanc. Quand il dit bleu, il y en avait un qui avait dit bleu. Quand il dit noir, ça sort jamais de ce qui est rapporté dans les hadiths ou ce qui est rapporté des sahabas. C'est un peu comme si on prend par exemple, il y a aussi un autre, ça soulève un autre sujet, ce qui est celui qu'on appelle l'ijma au sukuti. Ça veut dire quoi l'ijma au sukuti? C'est le consensus par, je sais pas comment dire, par silence quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, Abdullah ibn Abbas il dit quelque chose, Aïcha il dit quelque chose, les deux ils disent la même chose et rien d'autre. Il n'y a pas d'autres sahabis qui parlent de cette question. Donc leur avis, il est connu. Et ensuite, leur avis, il est adopté par, quand on regarde les grands tabi'in, ils disaient la même chose. Ben c'est tout, il ne faut pas sortir de ça. Même si tu dis, ouais, mais on ne sait pas ce que les autres sahabas y pensaient, tant qu'ils n'ont pas dit le contraire, khlas. Et ça, c'est notamment l'exemple de Massoul Mushaf Biriri Wudu, toucher le Coran sans les ablutions. Dans certains livres, vous allez lire, ouais, bon, il y a un hadith, mais en fait, il n'est pas authentique. Donc, bah, on peut toucher le Coran sans faire l'oudou, parce qu'il n'y a pas de dalil, comme ils disent. Il n'y a pas de dalil. Comme si le dalil dans l'islam, c'était que les hadiths. Non, le dalil, c'est plus large que ça. Il est rapporté de plusieurs compagnons, si je ne me trompe pas, c'est quatre. Et dans les quatre, il y a Omar ibn al-Khattab. Comme quoi, il est interdit de toucher le Coran quand on n'a pas l'oudou. Et il n'est pas rapporté d'un autre compagnon qui aurait dit le contraire. Ben, khalas, on reste dans ce qu'ils ont dit, on ne sort pas de ça, tout simplement. Fi martalafu fihi aw fi ta'wilihi. Donc, dans leur divergence ou dans les interprétations qu'ils ont émises, on ne sort pas de leur groupe. C'est-à-dire, même quand il y a une divergence, on reste attaché à un des avis qui a été prononcé par eux. وقال رحمه الله وما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. Il dit également, rahimahullah, à chaque fois que les athars, donc là, qu'est-ce qu'il entend par les athars? C'est-à-dire les hadiths. Les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être aussi les hadiths des compagnons. Il dit, à chaque fois que les athars se font rares chez des gens, les ahwa apparaissent. Le ahwa, c'est le pluriel de hawa. Donc on peut traduire par la passion ou les tendances. En fait, le hawa, c'est dans le sens, comme ce que tu philosophes, ce que tu as envie de suivre, en fait. C'est pas le haq, c'est ce que toi-même tu penses et tu as envie de suivre. Comme on en avait parlé, comme l'imam Malik avait cité, Jahmiya, Qadariya, tout ça, ça s'appelle Al-Ahwa, les hérésies, etc. Donc il dit, à chaque fois que les hadiths se font peu nombreux, eh bien les Ahwa ressortent. C'est logique, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Et comme si on regarde dans l'histoire de l'islam, là où Ahlul Hadith, ils étaient forts, Ahlul Ahwa, ils étaient discrets. Et quand Ahlul Hadith y faiblissait, Ahlul Ahwa, comme Mu'tazila, tout ça, ils étaient plus forts. Et il dit, et quand les savants se font peu nombreux, Al-Jafa apparaît chez les gens. C'est quoi Al-Jafa? La rudesse, c'est-à-dire le manque de politesse, le manque de adab, d'éducation, le manque de comportement. Pourquoi? Parce que ben, quand les ulama sont répandus, et les ulama bihaq, quand c'est des vrais ulama, forcément, ils ont l'adab, la politesse, le comportement. Et donc, les gens les prennent pour modèle, les connaissent, et eux-mêmes, ils répandent ça parmi les gens. Et quand il y en a moins, eh bien, l'éducation et la politesse, elle est moins répandue. وقال رحمه الله وإن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. Donc ça, c'est en rapport avec le comportement de l'étudiant. Il dit haqqan, c'est-à-dire c'est un devoir pour celui qui recherche le savoir, an yakuna lahu, donc il doit adopter waqar. Waqar, c'est-à-dire le calme, la sagesse, wa sakina. Sakina, c'est-à-dire encore une fois la sérénité, wa khashya, et la crainte d'Allah. Wa an yakuna muttabi'an, et qu'il suive li atharin man mada qablahu, les traces de ceux qui l'ont précédé. Bon, cette parole, elle est simple. وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَالِمُ يُخْبِرُ بِالسُّنَّةِ وَلَا يُخَاصِمُ فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُمْ وَإِلَّا سَكَتْ. Donc l'imam Malik, il a de nombreuses paroles comme ça où il interdit les débats, notamment avec les hérétiques. Donc là, il dit, le savant apprend aux gens la sunna, yukhbir, il informe aux gens de ce qu'est la sunna, وَلَا يُخَاصِمُ, et il ne débat avec personne, se dispute avec personne. Si on l'accepte de lui, tant mieux, sinon il se tait. C'est-à-dire que celui qui est de Ahl Sunnah, il enseigne aux gens. Et si les gens ils commencent à débattre, à refuser, il ne rentre pas dans le débat. Il se tait. Donc ça, c'était une des marques et un des attributs loués chez les savants d'Ahl Sunnah. C'est de ne pas débattre. Puisque comme la religion, elle est claire, on n'est pas censé débattre. Celui qui veut débattre, c'est que c'est lui qui a un problème avec sa religion. En tout cas, à cette époque-là. Puisque la religion, elle était répandue, elle était claire. وقال رحمه الله والقرآن هو الإمام فأما هذا المراء فما أدري ما هو. On va voir ce qu'il veut dire par mira. Il disait, le Coran, c'est lui l'imam. L'imam ici dans le sens du guide. C'est-à-dire, c'est lui notre référence. Il dit, quant à ce, al-mira, qu'est-ce que ça veut dire al-mira? Al-mira, c'est quand deux personnes, elles débattent, et puis que chacun essaie d'avoir raison sur l'autre. Yumari, c'est-à-dire il essaie d'avoir le dessus sur l'autre et ils débattent. Donc il dit, ce débat, cette façon de débattre, je ne sais pas ce que c'est. En fait, il a dit, le Coran, c'est ça notre guide. Et cette façon de débattre, je ne sais pas ce que c'est. À quoi il fait allusion? À la pratique de ce qu'on appelait Ahlul Kalam, commençaient à apparaître en Irak et tout ça, qui philosophaient. C'est-à-dire leur religion, c'était de la philosophie. Et ils débattaient avec des terminologies qui étaient nouvelles, des sujets qui étaient nouveaux, et notamment au sujet de l'être d'Allah ou des attributs d'Allah. Donc l'imam Malik, il leur a dit une parole très simple. Notre guide, c'est le Coran. Et votre rhétorique, là, votre façon de philosopher, je ne sais pas ce que c'est. pour dire tout simplement, quand il dit je ne sais pas ce que c'est-à-dire ça n'existe pas en fait. Si lui il ne sait pas ce que c'est que ça veut dire que ce n'est pas une référence. وقال رحمه الله وليس الجدال من الدين في شيء. Il disait également et le jidal, donc jidal c'est comme mira, c'est-à-dire le débat ne fait nullement partie de la religion. C'est-à-dire que la religion elle est claire et elle c'est pas un sujet de débat. C'est ça qu'il veut dire. En fait, el jidal ici c'est dans le sens le fait de débattre pour établir sa religion. La religion elle a pas besoin d'un débat pour être établie, elle est déjà établie. Donc elle n'a pas besoin des esprits humains pour la déterminer. وقال رحمه الله وكلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله إذن لا نزال في طلب الدين. Il disait aussi رحمه الله est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un nous vient أجدل, c'est-à-dire plus fort dans sa rhétorique qu'un autre, on va laisser ce que Jibril a ramené à Muhammad صلى الله عليه وسلم pour le débat de cette personne, pour son jidel, c'est-à-dire pour ses arguments et sa philosophie. Et d'ici on fait ça, ben on sera toujours dans la recherche de la religion. On ne va jamais arriver à une conclusion. Parce que lui, il va philosopher, l'autre, il philosophe mieux, et ainsi de suite. Donc il dit, on ne va pas opter pour ça et délaisser les textes, délaisser la révélation. C'est la révélation qui passe avant toutes ces idées, toute cette philosophie. قال عمر بن عبد العزيز en fait il a pas j'ai pas terminé la parole il a dit عمر بن عبد العزيز a dit من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. Il dit celui qui assujettit sa religion au débat اكثر التنقل. تنقل c'est sauter d'une position à l'autre. Et ben il va beaucoup faire ça. C'est-à-dire celui qui au lieu de d'apprendre ce que dit la religion et de s'y plier. Lui, il soumet sa religion à son esprit, sa philosophie, au débat. Bah lui, yatanaqqal. Un jour, il est dans tel groupe, le lendemain, il est dans un autre, etc. Pourquoi ? Parce qu'il ne suit pas. Il est simplement dans le débat. وقال رحمه الله والداء العضال التنقل في الدين. Il disait également, donc la maladie grave, c'est de sauter d'une position à l'autre dans la religion. C'est-à-dire de التنقل, changer comme ça tout le temps dans la religion. وقال رحمه الله ومن اتقى الله جعل له مخرجا من هذه الأهواء. Il disait celui qui craint Allah, Allah lui donnera une issue contre toutes ces tendances. Là il fait allusion à quel verset? ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue. Le verset il est général, ça parle de tout, du risque, etc. Comme quoi celui qui craint Allah, Allah il va l'aider, il va lui donner une issue. Et l'imam Malik il l'a pris pour parler des ahwa. C'est-à-dire, si vraiment tu crains Allah, Allah il va te sauver de toutes ces ahwa, ces tendances. وقال رحمه الله والمراء في العلم يقسي القلب ويورث الدهر. Il dit également le débat religieux, ou plutôt le débat dans l'ilm, dans le savoir religieux. Donc là, encore une fois, on parle du débat qui est blâmable. Les savants de Al-Sunnah, ils ont toujours autorisé le débat louable. C'est quoi le débat louable? C'est de débattre déjà dans les questions dans lesquelles on peut débattre. C'est les questions où il y a des divergences, comme les questions de fiqh qu'on a donné comme exemple tout à l'heure. Donc les questions dans lesquelles il y a vraiment des divergences dans l'islam, ben on a le droit d'en débattre. Mais il faut respecter certaines règles. C'est-à-dire que le débat dans l'islam, il a des règles. C'est quoi ces règles? C'est déjà l'ahliya. C'est-à-dire que chacun de ceux qui débattent est déjà et le bagage qu'il sache de quoi il parle, qu'il ne soit pas en train de parler de wala taqfu ma laysa laka bihi, et ne parle pas de ce dont tu n'as aucun savoir. S'il ne sait pas, il n'est pas censé débattre. Sinon, qu'est-ce qu'il va raconter si ce n'est ce que sa tête elle lui dicte. Et ensuite, il y a également le respect de l'autre, l'ikhlas, le fait qu'il doit le faire sincèrement pour Allah, etc. etc. Débattre pour se vanter, pour prendre le dessus sur l'autre, etc. Et ça nous montre la sagesse de l'islam et la sagesse des savants musulmans. Quand vous regardez à la télé les débats de gens qui se prétendent cultivés, qui ont étudié pendant des années, qui se prétendent intelligents, c'est vicieux, ils ont plein de vices, plein de mensonges, plein de vices. Leur seul but c'est de montrer qu'ils ont raison, etc., etc. C'est complètement à l'inverse, à l'opposé du débat qui est permis et qui est louable dans l'islam. Et c'est justement ce genre de débat de par l'imam Malik quand ça parle en plus de religion. Donc il disait, le débat dans le savoir, au sujet du savoir religieux, ça durcit le cœur et ça entraîne la rancune. Ça donne de la rancune. وقال رحمه الله وإذا جاءك من يجادلك من أهل الأهواء في أمر الدين فقل له أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه. Il disait رحمه الله, quand une personne des gens des Ahwa, un hérétique, il vient avec toi pour débattre dans la religion. C'est-à-dire, toi, tu as appris la religion claire, la sunna, etc. Et lui, il vient pour essayer de te convaincre de son truc à lui. Dis-lui, moi, ala bayyinati min rabbi. Moi, je suis une bayyina. Il y a quelque chose de clair qui vient de mon Seigneur. Et toi, tu es un shak. Tu es quelqu'un qui est dans le doute. C'est gentil. Il dit, toi, tu es un douteur. Tu es quelqu'un qui est dans le doute. Alors, va voir un douteur comme toi et débat avec lui. Alors, c'est sa façon de les repousser, de les dégager. S'il veut te faire trembler sur tes positions, sachant que tes positions, c'est la sunna, il ne faut pas débattre avec lui. Il faut lui dire, va avec quelqu'un comme toi, qui ne suit pas la sunna, qui suit simplement sa tête. Là, on va passer à d'autres citations de l'imam Malik, dans lesquelles il parle de l'iman. Alors, pourquoi l'iman? C'est-à-dire, il explique qu'est-ce que ça veut dire dans l'islam, l'iman. Pourquoi mettre ces paroles-là ici? Parce que la définition de l'iman, la conception de l'iman, c'est-à-dire la foi dans l'islam, c'est un sujet qui a fait une grande séparation, à l'époque déjà de l'imam Malik et même avant, entre Ahl Sunna et Ahl Bid'a. Une grande séparation. Donc d'un côté, on avait Ahl Sunna, depuis l'époque des Sahaba qui disaient que l'iman, en fait, c'est un mot qui englobe toute la religion. L'iman, c'est le fait de croire, de faire la shahada et de pratiquer. Tout ça, ça s'appelle l'iman, comme on va le voir dans les paroles de l'imam Malik. Et sont nés chez les musulmans des mouvements qui ont dit, qui ont inventé que, en fait, l'iman, c'est, par exemple, Al-Jahm ibn Safwan, lui, il a inventé que l'iman, c'est Al-Ma'rifa. C'est-à-dire, si quelqu'un connaît, sait qu'il a un créateur, c'est un mu'min. Donc si on suit ça, bah, Pharaon ou Iblis même, c'est un mu'min. Donc il a défini l'iman par la simple connaissance du créateur. Et sont apparus également Al-Murji'a. Al-Murji'a, c'est ceux qui ont dit que les actes, Al-Amal, laïsa min al-iman. Les actes, ça ne fait pas partie de l'iman. Wal-iman la yazid wa la yanqus. Et la foi, elle n'augmente pas et ne diminue pas. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué l'iman par et-tasdiq, le simple fait de croire à l'information. C'est-à-dire, si quelqu'un croit dans son cœur, il croit que le Coran c'est vrai, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est vrai, c'est un prophète, khalas, ça s'appelle l'iman. Et le reste, c'est pas l'iman. Donc la foi, elle n'augmente pas, elle diminue pas, parce que c'est juste croire en quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-murji'a. Et donc, ils ont contredit les musulmans dans leur définition de l'iman. Et après, viendront aussi des groupes qui sont à l'autre extrême, qui ont dit que les actes font partie de l'iman, donc jusque-là, tout va bien, mais au point où si quelqu'un manque à un commandement, une obligation, ou commet un interdit, il est kafir. Ça, c'est le khawarij, et le mu'tazila également. Donc, on trouve énormément de paroles des imams de l'islam qui parlent de ce sujet. Donc, quelqu'un qui ne sait pas ça, il va lire le livre, il va dire, mais pourquoi l'iman? En plus, l'iman, qawlun wa amal, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et pourquoi il parle de ça? C'était en réaction à l'apparition de Jahm ibn Safwan et de ce qu'on appelait Murji'a, et qui disait que la foi, c'est la simple croyance. Et ça, quand on y réfléchit, c'est une conception qui est toujours présente. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe qu'on va appeler les Murji'a, quoique si ça existe toujours, mais cette conception, elle est toujours présente. La plupart des gens, quand tu parles avec eux, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, la foi, c'est là. Ça, je prie pas et tout, mais t'inquiète, ma foi, non? Ta foi, elle est zéro. On peut en témoigner sans problème. Parce que dans l'islam, la foi, elle a une définition. La foi, c'est la croyance qui est suivie de pratique. Et on va voir dans les paroles de l'imam Malik que les anciens, les imams tels que Malik, ils disaient que sans la pratique, la foi qui est dans le cœur, elle n'est pas valable. C'est-à-dire que si une personne croit dans son cœur, mais elle ne met pas en pratique, eh bien, son iman, il ne compte pas. C'est normal Il n'est en pas soi. moumine. Et donc, il n'est pas non plus musulman. Et si les gens, ils savaient ça, mais encore une fois, à quoi, il est où le problème? C'est que les gens, ils n'apprennent pas. Ou alors, ils apprennent pas, ou ils n'ont pas quelqu'un pour leur apprendre ces choses-là. Si ça s'était répandu, ces paroles-là, chez les gens, les mentalités, elles changeraient. Mais les gens, ils seraient moins laxistes avec ce sujet. Donc, voilà pourquoi on va lire des paroles sur l'Iman. Je crois que ça fait 1 heure, hein. Ouais, on va s'arrêter là, inch'Allah. On va s'arrêter là. Donc, il reste pas mal encore, hein. Il y a plein de sujets à expliquer. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يحيينا على السنة ويميتنا على السنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك